nas les mots. Tu es le gymnaste fort et haut. Forêt, forêt. Laissons le temps nous distraire. Oui, hôtel à la mer. Laissons le temps nous distraire. Oui, hôtel à nous la mer. Entre nous deux. Tu dis qu'un seul être fait défaut. Peut-être sur le nuage nous étions de trop. Oui, de trop. Oui, de trop.